cryptographie. De Yann Corridian et Sophie Quintan. 9e épisode. Hannibal. Ah, comme le fils Kadhafi. C'est mon parrain. Je sais, ça craint. Il est mort, le fils Kadhafi, d'ailleurs. Non. Il est réfugié en Algérie. Tenez. C'est quoi? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que quelqu'un a dit quelque chose à quelqu'un d'autre qui a été trouver mon père pour lui donner cette enveloppe de la part d'Abdel et que mon père, à son tour, a dû trouver des gens pour que cette enveloppe m'arrive afin que je puisse vous la remettre. Mmh. Comment vous savez que c'était nous? Et qu'on serait ici? C'est simple, votre oncle a donné son heure d'arriver à Paris et on m'a donné une photo de vous. De nous deux? Non, de lui. Regardez. Oh, t'es trop mignon, mon amour. T'es en short. Et t'as quoi, là, 12-13 ans? 14, elle date de l'été 86. Ah. Je m'en souviens parce que je venais d'apprendre la mort de Coluche pendant que je faisais un tour d'auto-tamponneuse à la scène sur Et vous l'avez reconnu? Bravo, Hannibal, hein, sacré physionomiste. Faut dire que t'as pas beaucoup changé, mon amour. Oh, la barbe, quand même. Et vous avez grossi. Oui. Un peu, je veux dire, légèrement, quoi. Un soupçon d'embonpoint. Ouais, je suis gros, quoi. Je comprends pas. Y a quoi? Pourquoi tu me le dis pas que je suis gros? Je t'aime, mon amour. Alors? Des dollars. Combien? Je sais pas. Ok. 500. Putain. Comme quand j'étais petit. Et il m'envoyait un mandat à chacun de mes anniversaires. 500 francs, c'était... Ouais, 500 francs. Là, c'est des dollars, ça fait plus. Ah, et il n'y a pas de mots? Si. Cher Olivier, mon cher Olivier, tu dois être à l'aéroport en train de m'attendre, je suis dans l'avion. Il est possible que la police française me cueille juste là, sur le tarmac. Ils veulent m'entendre sur une affaire bien ancienne. Mais ce n'est pas sûr... Peut-être ai-je réussi à me faire oublier. Peut-être, en tout cas, je l'espère. Inch'Allah. En tout cas, voilà un peu d'argent pour la naissance de Paul. Il doit être presque un homme maintenant. Je ne connais même pas sa mère. À propos de mère, occupe-toi bien de la tienne. Je te rappelle qu'avant d'être ta mère, c'est ma sœur. Nous nous reverrons, ici ou ailleurs, aujourd'hui ou demain. Sache que quelqu'un t'attend quelque part. Il est possible que ce soit moi. Je t'embrasse, ton oncle. Moi j'y vais, hein. Je me souviens plus où j'ai mis ma voiture, moi. Je vous dis au revoir. Et merci. Merci, hein. De quoi? De rien. Salut. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Et si la police l'arrête, on ne le saura pas? On le saura. C'est pas le filleul de Kadhafi, c'est pas possible. Les billets sont faux aussi. Ah bon? Comment tu sais? Touche. Je sais pas, je sens rien. Ça me rappelle New York avec toi. L'appartement de... Nina, tu sais, elle a un nom grec. Garbiras. J'ai envie de pleurer. Il est quelle heure? 22h15. Ils vont pas fondre, les macarons? Vas-y, donne-moi un. Oui, mon chéri? Non, pas encore. Mais il y a un type, le soi-disant filleul de Kadhafi, qui m'a donné 500 dollars. Ouais, non, mais c'est dingue, je te raconterai. Ah non, tu vas pas dormir chez Inès. Non, j'ai acheté des macarons. Tu vois pas le rapport? De toute façon, on rentre bientôt, ça va bien rouler pour rentrer, on est jeudi, ça roule toujours le jeudi. Et couche-toi, hein. Invite Inès à la campagne le week-end prochain, voilà, bisous. Bah, il voulait dormir chez Inès? Oui, j'ai dit non. On n'a pas demandé son numéro à Hannibal? Non. T'es sûr qu'il va passer par ici pour sortir? On est au bon endroit? Tu crois que je dois aller voir la police? Enfin, pour leur signaler son arrivée. Je sais pas quoi faire du tout, et puis c'est bizarre cet argent aussi. Bon, j'avoue, je suis perdu. Heureusement que t'es là, chérie. Bon, laisse tomber la police, laisse-les faire leur travail. Mmh. Et puis, c'est ton oncle, quoi. Mmh. Il a rien fait de grave, que tu saches. Mmh. Hein? Dis-moi qu'il a rien fait de grave. Pas que je sache. Inès? J'ai eu mon père. Il m'a dit oui pour que je vienne dormir chez toi. Trop bien. Mais je vais pas venir en fait. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai peur. Peur qu'on se retrouve seul, embarrassé, moi engoncé dans mon manteau que je vais pas réussir à enlever. Et puis toi, toute jolie et inquiète aussi, non? Oui. M'en veux pas. Je veux pas te décevoir. Enfin, nous décevoir. Et puis, je suis plus jeune que toi, je te signale. T'as déjà oublié? Te dis-moi. N'empêche. Tu fais quoi, là? Je fais ce bouquin. Paul? Je te déteste un peu, tu sais. Mais je... On raccroche? Oui. À demain. À demain. Moi aussi, je t'aime. Personne ne sort, pourtant il est bien écrit London. London. Bah, posé, quoi. L'avion. Oui, bon, bah, ça va, c'est bon. Ah, ça y est, t'es vexé. Regarde. Quoi? Il y a ta mère. Mythographie de Yann Corridian et Sophie Quintan. 9e épisode avec Mustapha Abourachid, Laure Calamy, Guillaume de Tonquédec, Thomas Agols, Pauline Ziadé, Christine Gagneux. Bruitage Patrick Martinache. Équipe de réalisation Bernard Laniel, Emmanuel Armin, Yaël Mandelbaum, Laure Egoroff.